faut pas flipper si ça. Jenny, Kimonia nous vinia, pâté comme ça, Kagouri derrière la jambe, qu'on j'en fous, indifférent, sans l'amour, c'est tout ça qu'à faire flipper. No, no.